confiance, tu t'énerves pour un rien, tu commences à m'ignorer. Tout se passe bien en apparence, mais rien ne va plus entre nous, c'est comme une prison dorée. À te rechercher la moindre erreur, bébé, tu finiras bien par trouver. Mais dis-moi pourquoi tu t'acharnes à vouloir chercher ce qui finira par nous exterminer. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. On se capte un coup de vent, redevenons ce qu'on était avant. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. Sur une intuition, t'es prête à nous laisser nous consumer. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant avant que ton cœur m'oublie. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant avant que ton cœur m'oublie. Rien avance, tu parles pas, j'avais oublié ton côté bandé. C'est comme si t'avais déjà décidé que pour nous deux c'était bel et bien terminé. Tu ne veux toujours rien me dire, mais tu ne veux pas t'en aller. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu tiens tant à chercher ce que tu ne veux pas trouver. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. On se tape ton coup de vent, redevenons ce qu'on était avant. Tu t'éloignes doucement, comme si rien ne comptait tout ce temps. Sur une intuition, t'es prête à nous laisser nous consumer. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant avant que ton cœur m'oublie. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, avant que ton cœur m'oublie. Si tu ne veux rien me dire, qu'est-ce qu'on va devenir? J'essaie de reconstruire ce que tu cherches à fuir. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant avant que ton cœur m'oublie. Si ton intuition t'avertit, alors dis-moi ce qu'elle te dit. Ne reste pas dans ton coin, non, réglons ça maintenant avant que ton cœur m'oublie.